Le 18 octobre, le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a répondu à la question d'un correspondant de l'Agence télégraphie centrale de Corée pour accuser Park Geun-hye de lancer furieusement des calomnies contre nous. Il a dit « Le premier dernier, dans le soi-disant discours consacré à la journée de l'armée nationale, Park Geun-hye a incité ouvertement nos habitants à déserter le Nord. » Plus tard aussi, elle parle stupidement de l'effondrement du Nord et de la rupture de son régime, ce qui suscite la stupéfaction et l'ironie. Le 16 dernier encore, elle a crié à la menace de provocation par le Nord et péroré que le Nord menace l'avenir et la paix de la nation et qu'il faut changer le Nord. C'est la plainte de l'aliéné qui est apeurée par notre essai nucléaire étonnant le monde entier et qui est dans le désespoir à cause de l'échec général de la politique de confrontation contre notre République. Park Geun-hye stigmatise la réalité de notre République où est pratiquée la vraie politique d'estime, de respect et d'amour du peuple, sans pareil dans le monde, comme une politique de terreur, et notre politique de vertu et de magnanimité comme une violation des droits de l'homme pour tromper l'opinion publique. Son ambition sournoise est de s'attacher à tout prix à la politique de confrontation déjà échouée, d'étouffer la lutte plus vigoureuse contre les États-Unis, la guerre et le gouvernement, et d'éviter la crise de domination extrême. Le jour est proche où une fin sera mise à l'existence de Park Geun-hye, qui lance des calomnies et des mensonges. Les absurdités de cette fana de confrontation qui se démène au bord de l'abîme évoquent la marche funèbre.